Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et merci d'avoir été aussi nombreux hier soir lors de la première soirée du Salaise Blues Festival. Et ce soir, c'est la seconde soirée qui va commencer. Mais avant, deux mots avec Philippe, directeur du tech et le programmateur du Salaise Blues Festival. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Pas trop stressé ? Là, ça va mieux. Face à l'impossibilité de faire justement un festival avec du public, comment le choix a-t-il été de réaliser justement cet événement avec des concerts filmés et diffusés en streaming? C'est quand même, puis ça nécessite une très lourde infrastructure. Oui, ça nécessite une infrastructure. Ça a été un choix de soutenir, on va dire, la profession, de soutenir les artistes, de soutenir les intermittents, les boîtes de prestations, parce qu'on reporte depuis l'année dernière, on va encore reporter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de reporter. On est là pour faire travailler les gens. On est là pour que les artistes se produisent. Donc l'idée, ça a été de dire, eh ben voilà, on a tout, on a les budgets, on a les équipes, on a le savoir-faire, on a les artistes, et on propose aux équipes artistiques de venir jouer. Alors la difficulté, effectivement, c'est sans public. Et ça, ça y est, c'est dur. En tout cas, on est certain qu'il y aura énormément de monde derrière les écrans. J'espère. Et puis j'espère que tu auras des retours favorables. Oui, oui. Alors, puisque tu es directeur de la programmation, responsable de la programmation, directeur du tech, et ben, c'est à toi de lancer le concert de Kepa. Alors donc voilà, Kepa, il nous a fait la surprise pour ce soir d'être sur, on va dire, un nouvel album, puisque bon ben voilà, la période de confinement a fait que ben, il a créé. Donc là, je peux pas en dire plus puisque je. Et on va l'écouter voilà, justement. On va l'écouter. Merci Philippe en tout cas. Merci à vous. Et place à Kepa. Your shaking, your breast was sweating, your leaves were shining, you turned me Kepa. Kepa, bonsoir. Bonsoir. Comment ça t'a fait de jouer justement devant, bah devant peu de monde, hein, finalement, toi qui es habitué à avoir énormément de public autour de toi, ça, t'as vécu ça comme une expérience étonnante? Déjà joué pas mal, c'est déjà pas mal. Oui, hein. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça fait, peut-être. Ouais, c'est une journée sans fin qui commence à être un peu longue quand même, même si je suis pas forcément très vaillant. J'avoue que là c'était rigolo là le premier mois, mais là c'est enfin rigolo entre guillemets, mais là ça commence à être vraiment long, donc ouais, ça m'a fait déjà juste plaisir de pouvoir entendre du son que dans plus de 10 mètres carrés chez moi. Ouais, j'imagine. Alors, je sais pas, on imagine que c'est pas ton véritable nom? Non, c'est le nom. C'est alors le... d'où ça vient? C'est le surnom de ma grand-mère que j'ai dû. C'est là où j'ai appris à jouer, chez ma grand-mère, parce que mes guitares sonnent fort, les guitares réseauphoniques. Donc j'ai dû, à mon premier concert, j'ai dû trouver un nom, un peu à la dernière minute, donc j'ai trouvé ça. Voilà, c'est le surnom de ma grand-mère, là où j'ai appris à jouer. Il paraît que tu as été aussi au départ une étoile montante du skate, un sport qui t'a emmené un peu partout dans le monde. Puis un accident malheureux t'a obligé à arrêter, du coup tu t'es mis à la musique, mais ça veut dire que tu n'écoutais pas de musique avant, tu ne faisais pas de musique avant? Moi, je faisais de la musique, j'ai toujours fait de la musique. Sauf que mon degré d'investissement c'est quand même a vraiment augmenté et puis en même temps j'ai découvert vraiment toute une scène blues au départ qui m'a vraiment plus que touché quoi, où je me suis absolument retrouvé autant dans la musique que dans les gens qui l'a joué, et donc je me suis intéressé à ça aussi parallèlement. Et pourquoi justement le blues? Tu dis que tu as rencontré des gens du blues. Pourquoi seulement des gens du blues? J'ai pas rencontré physiquement, mais je me suis retrouvé dans les parcours, dans la vie, dans l'humilité de ces musiciens pour la plupart. Ouais. Et c'est surtout là-dessus où je me suis je me suis retrouvé en fait. Donc et puis la sobriété, tout ça, voilà. Bon, t'as choisi de jouer en one man band, il y a une raison, c'est plus pratique. Par souci d'adaptation à chaque étape de ma progression, entre guillemets. Au tout début, je jouais simplement de la guitare et puis j'ai voulu une mélodie, une basse. Donc j'ai juste scindé ma main droite en deux. Puis ensuite, je voulais apporter un peu d'harmonie. J'ai jamais eu d'ambition au départ. C'était juste pour le plaisir. Il n'y avait aucune ambition d'aller jouer devant des gens. Ça a duré des années. Ce sont les gens qui sont venus à toi. Non, c'est par la force des choses. C'est la vie qui m'a quelque part offert ça, quoi. Mais voilà, c'est simplement pour ça que je joue avec personne, parce qu'à la base, c'est un plaisir absolument égoïste et que j'avais aucune raison de forcément le partager. Alors, j'ai écouté un peu tes anciens disques et j'aurais dit que ta musique était plutôt proche du blues rural. Et pourtant, ce soir, moi, j'ai entendu de belles chansons avec une certaine atmosphère presque éthérée parfois et très intimiste. Hein. C'est une nouvelle orientation ou ça ouais. Toujours... ouais, bah après c'est ça fait. J'ai d'abord essayé de m'inspirer de ce dont je vous parlais au tout départ, de ces bluesmen et d'autres musiciens. Mais il y a aussi, j'ai beaucoup été influencé par la musique africaine et plein d'autres. Ouais. J'ouvre mon spectre et j'ai toujours été sensible à la musique cinématographique et bizarrement pas trop les films mais à la musique voilà. Et c'est exactement comme ça que je ressentais en écoutant tout à l'heure certaines de tes chansons. J'avais l'impression d'être dans un film. Ouais. Bah, ça me fait plaisir. Tes influences, tu me disais que c'était essentiellement des gens du blues, mais il y en a peut-être d'autres. Non, il y en a d'autres bien sûr, mais je peux m'inspirer de la musique indienne, comme la musique d'un film, comme de la musique d'une pub de lessive, ou comme de la techno. Ouais. Je ne me cantonne pas plus au blues, mais je suis toujours vraiment profondément quand même ancré là-dedans. J'adore les instruments, j'adore tout ça, donc j'essayais de trouver ma route. Alors, tu parlais d'instruments tout à l'heure, tu as plusieurs guitares. J'ai cru comprendre qu'il y avait une guitare acoustique en acier, je ne sais pas si c'est celle à résonateur, hein, qui est un vieux modèle fabriqué dans les années 30 aux États-Unis. C'est celle-ci, non ? Ouais, c'est un classique. C'est une guitare fétiche un peu pour toi ? C'est vraiment le premier instrument où je me suis vraiment penché sur cet instrument plus que les autres. C'est vraiment ça qui m'a amené à passer le reste de ma vie sur une guitare. Donc oui, il y a quand même une résonance du coup particulière. Ouais. En tout cas, déjà, tu as déjà fait l'Olympia. Tu as reçu les honneurs de magazine qui saluent en toi une révélation, notamment les Un Rock. Hein. Comment t'expliques ce succès ? Comment j'explique ? Je sais pas. Non, je suis juste plutôt... ça m'a un peu sidéré de savoir que maintenant je sois musicien alors que c'était pas du tout mon but initial. Mais je suis très heureux que ça touche le... Évidemment, le but de tout musicien, je pense, c'est juste de toucher des gens à travers une émotion, et le fait que ça se passe, ça me remplit de bonheur. Nous avons devant nous ce vinyle, c'est ton dernier album, ton quatrième album. Il a été fait à Montréal, ça s'appelle Doctor Do Something, si je ne le lis pas à l'envers, mais de mémoire. Je crois que c'était une belle aventure, hein, ce disque aussi à Montréal. C'était une bouteille à la mer que mon Alex Boireau, mon manager, a jetée. Qui est revenu, c'est un peu ça ce disque. Donc c'est vraiment un musicien que j'apprécie tout particulièrement. Jamais j'aurais osé lui envoyer un message ou quoi que ce soit, et donc il a accepté de réaliser mon album. Donc c'était surprise pour moi. Je le savais même pas en fait qu'il avait envoyé. Il me l'avait pas dit qu'il lui avait envoyé un message. Et donc voilà, j'ai passé un mois au Canada pour faire cet album et donc rencontrer Taylor Kirk et les membres de Timber Timber sur place. Ouais. Ouais, c'était sur un beau label hein, d'ailleurs. Aussi, inoubliable. Ouais. Ouais. Ouais. Alors ça, c'était le dernier album, mais il y en a un en préparation. Et il est prévu dès que possible. Dès qu'on peut faire des concerts, j'aimerais vraiment le jouer. Et justement, en vrai. Les titres que tu as joués ce soir font partie du nouvel album, ouais. en partie. Sauf, ouais, tous. En tout cas, on a été très touchés par ton univers musical. Et merci beaucoup. Merci Kepa. Bravo pour ton concert et vivement cet album à venir. Ah, c'est une ballade que j'ai écrite pour le gène qui est à l'intérieur de moi qui s'appelle HLA-B27. Vous irez voir sur Google. Ça s'appelle For Once. Obsessions sublime in my visions, vicious vision, joy, the grace laying down on my grave, drawing every day a sad smile on my face. For once, give me a break, give me a break, give me a break for a dance. Give me a break for a dance. Give me a break for a dance. Give me a break for a dance. Give me a break for a dance. Voilà, c'était Kepa sur la scène du Salaise Blues Festival. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Luc Wislow King. Bienvenue au Salaise Blues Festival, Luc. My pleasure, glad to be with you. Tu sais, j'espère que tu ne vas pas jouer devant un public en présentiel, mais devant des milliers de fans qui t'attendent déjà devant leur écran. Quel effet ça te fait? Well, I mean, actually, there is an audience. It's just a TV audience. I've seen some electric performances over the TV in my time, and I do believe in the power of technology to transfer the energy from the stage back to your TV at home. So I think even though there's not a live audience, there's still very much an audience, and we plan to reach through the television to reach you tonight. L'énergie se transmet à travers un écran, même si ce n'est pas en personne. Il peut quand même sentir l'énergie de l'audience. Oui, l'énergie va nous en donner. Alors, j'imagine, Luc, ce soir, nous allons entendre des morceaux de ton dernier album, Blue Mesa. Yes, we're going to be featuring a couple songs from Blue Mesa, as well as our upcoming album called If These Walls Could Talk, that's coming out this fall. So, yes, indeed. Donc, ils vont bien faire des chansons de Blue Mesa, mais aussi de leur nouvel album qui va bientôt sortir. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, peut-être, de ce nouvel album. Mais pour revenir à Blue Mesa, pourquoi ce nom Blue Mesa? Est-ce que ça a un rapport avec la ville en Arizona? Actually, I did write the song Blue Mesa as I was traveling through Arizona, but the title is more symbolic. It's about an arrival point. It's about, you know, climbing somewhere and reaching a plane, a level plane. And I feel like the album itself was very much an arrival for my personal life and for my career as an artist. En fait, le titre est très symbolique. Ça représente une montée et ça représente en fait sa vie du moment où il a vraiment monté et sa carrière a... s'est envolée. Voilà. Mais on espère qu'elle ne va pas redescendre d'ailleurs. Je trouve pourtant cet album très personnel, peut-être plus personnel que les précédents, n'est-ce pas? I think, you know, they're different albums. Yes, there's some very, very personal songs, you know, but my goal as an artist is to write personal songs that are relatable. Songs that people can relate to and find themselves in. So they're personal yet accessible. Il écrit des chansons, d'un point de vue personnel, mais c'est aussi pour que ceux qui écoutent puissent se retrouver en fait dans ces chansons. Donc oui, il écrit au niveau personnel, mais aussi pour que ses écouteurs se retrouvent dans ces chansons. Justement, est-ce que tu te considères comme un songwriter? Il me semble que tu as dit quelque part même comme un artisan. Yeah. It's more of a lifestyle being a songwriter. You know, you're not just an artist, but it's also a part of your humanity. It's a part of your blood. It's a part of your life. It's stories of your life that you see reflected in others as well. Oui, être un songwriter, en fait, c'est un mode de vie. C'est comme il voit la vie, comme ça se reflète dans ses paroles, en fait. Et le style, t'as un style très varié, du blues, country, rock. Americana, en quelque sorte, même un peu de jazz parfois. Peut-être est-ce une couleur influencée par tes 15 années passées en Louisiane? Yes, my 15 years in Louisiana. Louisiana has a deep culture of French and also Spanish heritage. So I definitely absorbed a lot of the music in my 15 years studying music there. And I've always been kind of a traveling chameleon, you know. Adapting to my surroundings and taking a little piece of everywhere I go and involving it in my music. Oui, donc c'est vrai qu'en Louisiane, il y a beaucoup de culture française et aussi espagnole. Et donc du coup, il c'est comme un caméléon en fait. Il s'adapte à ses environnements et il écrit sa chanson par rapport à son environnement où il est en fait. Do you speak French? Je ne comprends pas français. Alors, dans tes influences, j'ai lu des choses assez curieuses, puisque il paraît que tu aimes Béla Bartók et même du Dvorak. Yeah, I mean, I've studied all kinds of music. I grew up playing rock and roll and blues music as a child, but I spent, you know, 10 or 15 years of my career studying avant-garde classical music. I went to college at the University of New Orleans. I studied in Prague in the Czech Republic classical music for years. And it's just I've had influences of other types of classical music as well in my music, applied in sometimes very strange and different ways, but I can definitely list those as influences of mine. Yes. Donc oui, c'est bien ses influences. Il a fait au collège, il a étudié la musique classique en fait. Oui, ça s'incorpore dans sa musique d'aujourd'hui des manières bien différentes et voilà. Revenons à Blue Mesa 2018. Il a été enregistré en Italie, en Toscane pour être précis. C'est un grand coup de foudre pour l'Europe en Italie puisque tu vis maintenant en Espagne aussi. Yeah, I've been traveling to Europe every year since I was 19 years old, and I'm nearing 40. So I've spent much of my life, and I'm actually a resident in Spain now. I'm living in Aragon, just across the border. And my homeboy Roberto Luti here has introduced me to the Italian ways and cultures, and we've explored Europe very much together. So we did indeed record Blue Mesa near his hometown of Livorno in Tuscany. Il a beaucoup visité donc l'Europe depuis ses 19 ans, et maintenant donc il en a bien plus. Donc ça fait très longtemps qu'il connaît l'Europe et qu'il aime bien y voyager. Et son ami Roberto l'a donc introduit à toute la culture européenne. Et voilà, il y a eu un échange de culture. Bienvenue, Roberto Luti. Merci beaucoup. Tu es très connu, tu es comme une icône du blues slidé. Je jouais à la guitare, tu es un spécialiste de la guitare slide en Italie. Parle-nous un peu de ta collaboration avec Luc. Yes, Luc and I have been playing music together and touring for about 12 years, I would say, just about that. So yes, I've been touring in his band for this long, and so like our musical connection got deeper and stronger through the years, and I think it works really good. I think we have it's a good match. And ça fait donc 12 ans qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Donc il dit que le dynamique du groupe est très bon et ils s'entendent très bien au niveau de la musique et ils collaborent parfaitement bien ensemble. Est-ce que vous êtes connu à la Nouvelle-Orléans? Parce que je crois savoir, Roberto, que tu étais à la Nouvelle-Orléans et que tu as joué d'ailleurs avec le bluesman Washboard Chaz. Yeah, we both used to live in New Orleans, and that's where we met. We met different times. The first time was actually in a common friend's kitchen, but then we saw each other like on Frenchman streets where a lot of gigs happen, and I used to play there with Washboard Chaz. Luke played with Washboard Chaz too, so we met in the musical scene several times in New Orleans. Bon, ils se sont rencontrés dans le milieu de la musique, dans une cuisine en fait. Une cuisine. Et ils avaient beaucoup de relations en commun, donc voilà, ils se sont rencontrés à travers des relations en commun. Luc, lorsqu'on parle de toi et de ta musique, on entend souvent des mots comme charme, élégance. J'aimerais savoir ce que tu en penses. I'm very flattered by that. Thank you very kindly. I like to bring a different taste to blues music. Blues music is often known, as being like a rough and dirty style of music, but there is elegant and charming, aspects of blues music, and Roberto and I both really appreciate this bittersweet kind of taste that the blues can bring, that it doesn't always have to be rough and dirty and dark, that there's also these beautiful places around the edge of the blues. En fait, il aime bien redonner une définition au blues, car d'habitude le blues c'est plutôt considéré comme une musique un peu dure, voilà, et lui il aime bien apporter un peu de légèreté et donc de l'élégance justement. Et du charme. Dans l'album Blue Mesa, est-ce que vous avez travaillé au niveau des compositions ensemble, musique, arrangement, ou est-ce que c'est toi, Luc, qui fait ces arrangements? Blue Mesa was mostly my arrangements and my compositions, but Roberto did bring a few arrangements to the table with Thought I Heard You is one of your compositions. Yeah. And I also wrote a song with our old friend Lisa Driscoll from New Orleans. I wrote a song, two songs actually, with her on the Blue Mesa album. Our upcoming album, If These Walls Could Talk, has more Roberto and Luke collaborations on it. Donc dans Blue Mesa, c'est plus Luc qui a fait l'album. Il y a une chanson que Roberto a fait les arrangements, et il y a aussi deux chansons qui ont été faites avec son ami à Luc dans Blue Mesa. Mais c'est vrai que dans l'album qui va venir, il y a plus une collaboration entre les deux artistes. Donc. Justement, cet album qui va venir, est-ce qu'il restera dans un esprit Blue Mesa ou totalement différent? Why don't you answer, Roberto? I'll say that it will be different. All his albums, they all sound different from each other. Look, as he progresses in his life and he goes through experiences, and every album has a different sound. So the upcoming album, If These Walls Could Talk, has its own sound. How would you describe the sound of If These Walls Could Talk? It's difficult to describe the sound, maybe. Yeah. Well, If These Walls Could Talk is different because it's recorded in Memphis, Tennessee. We recorded last January in Memphis, Tennessee. So it has a little bit of that Memphis soul. And it features the organ player of Al Green, the same organist played on Love and Happiness and Take Me to the River. Maybe more soul music. It has a little bit element of that. I'm from Michigan. but I came up in New Orleans, and Memphis is right in the middle. Yeah. So it's a little bit, it's like somewhere between rock and roll and blues, but has a lot of soul in between. Oui, donc l'album a été fait du coup à Memphis, donc il y aura un peu cet esprit Memphis avec un peu plus de blues, de soul, voilà, tout ça. Bien. Est-ce qu'il a déjà un nom cet album et quand sortira-t-il? Yes, it's called If These Walls Could Talk and it's coming out this fall. Donc il s'appelle If These Walls Could Talk et il arrive en automne. Pour terminer, j'ai une question qui fait quelque chose m'intriguer un peu, puisqu'il paraît que tout jeune, tu as tourné dans un film. Peut-être as-tu encore envie de goûter au cinéma? Je crois que c'était en 1993, avec ta sœur. With your sister. Yes, yes. It's funny because Simone, Roberto's brother, our bassist, was asking me about it today. Yeah, I was maybe 7 years old and I was just an extra, not a leading role or anything, but in a movie with Bill Murray when I was a kid. And I also am a dancer in the Ray Charles movie, Ray. Oui, donc il a bien joué dans un film, il avait 7 ans, voilà. Et il a aussi fait danseur dans un autre film, voilà. Donc, Merci Roberto, merci Luc. On va vous laisser gagner la scène du Salès Blues Festival pour un concert qui risque d'être magistral, je crois. Hein. Place à Luc Wislocking. Right, we're the Luke Winslow King Band. Glad to be here with you. Thanks so much for joining us tonight on the television. I hope you're feeling all right at home. Thanks so much for listening. So good tonight. Thanks so much for tuning in. Sending all our energy out to you on the TV tonight. Thanks so much for tuning in. Roberto, bring it to me. Sometimes what they mean is you've got mine. The situations find you blue and all turn their backs on you. Hope you wait to find the sun that shines. Hear me singing now. You've got mine, yeah. I've got yours. You got mine. Everywhere, all the time. In the winter, spring, summertime, never doubt that you've got mine. With indignation and despair, have you feeling like life ain't fair? Come on, baby, pull up a chair, hear me sing it. You've got mine, sing it. I've got yours, you got mine, everywhere. camaraderie, understanding, and stability. Always know you've got a friend in me. Help me sing it at home, would you? You've got mine, I've got yours. You got mine everywhere, all the time. In the winter, spring, summertime. That's yours, baby. Don't it always, don't it feel good to know that come in the spring and summertime, you always got somebody you can lean on. Oh, just give me a call, baby, I'll be waiting for you. Coming through the TV screen, and you got mine, I got yours, honey. Dans le Sales Blues Festival et il va jouer en duo avec Roberto Luti et évidemment ça nécessite un petit peu de préparation et de réaccordage. Eh bien on va parler de communication. Laure, chargée de communication, est là. Alors comment ça s'est passé ce festival au niveau de la communication? Eh ben, ça a été un petit peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude. C'est-à-dire que normalement, sur février-mars, on voit des tracts, des affiches de Sales fleurir partout sur la région. Et ben là, cette année, une des seules affiches est ici avec nous. Par contre, on a beaucoup travaillé sur les réseaux. On a beaucoup alimenté le Facebook du Sales Blues Festival, là où les concerts sont transmis en ce moment. Et également, beaucoup investi sur le site internet, une nouvelle chaîne YouTube qu'il faudra suivre dorénavant. Mais je crois savoir justement, alors qu'il y a énormément de gens qui regardent en même temps directement sur YouTube ou sur la page Facebook du festival. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de proposer plusieurs plateformes pour que tout le monde puisse en profiter et passer un très bon moment avec nous. Oui. Et on remercie évidemment toutes les équipes qui ont aidé à ce que ce festival fonctionne dans les meilleures conditions et devant des caméras et avec beaucoup d'excellents artistes. Artistes que l'on retrouve maintenant, Luke Winslow King s'est réaccordé en duo avec Roberto Luti et va terminer ce concert. Hein. Bye bye. All right, I hope you're having a beautiful evening at home. Me and Roberto are going to do one here. This one is off our new upcoming album called If These Walls Could Talk. If these walls could talk, they'd speak of all the love we share. They'd tell of all the dreams we've dared to dream. Strange as it may seem, we both knew that there could come a day. Set it free and we said come what may. But now you're safe back here with me. If these walls could see, I want a witness to divinity. They'd know all of that has moved between you and me. And now I finally see how to give you every part of me. We braved across a raging sea, found peace upon the other shore. If these walls could hear, they'd listen to all we did see. They would realize that we are mere vessels for the love that flows. Could say how I adore you morning, night and day. Tell you everything is gonna be okay now that our love's here to stay. And now I finally know how to give you every part of me. We braved across a raging sea, found peace upon the other shore. If these walls could talk, they'd speak of all the love we shared. They would tell of all the dreams we've dared to dream. Strange as it may seem, we both knew that there could come a day. Set it free and we said come what may. Now I'm so grateful for the very day that led you safe back here with me. If these walls could talk, hit me with Honeycomb. Oh yeah. We'll do another one off the new record here. This one's called Honeycomb. Dripping to my loving arms. I'll play one more time. Honeycomb. Maybe send a maybe. Thank you very much.